Voici votre bulletin régional. La fête de Noël à la vieille gare du papier Distinguis aura lieu le 5 décembre à 17h30. Un dingo d'Inde se tiendra le 5 décembre à 19h à la salle municipale de Johnville au profit de la paroisse Notre-Dame de l'Unité, secteur Johnville. Les 5, 6 et 7 décembre se tiendra la seconde édition du Salon du livre scolastique au profit de la bibliothèque de l'école des Trois Cantons à la place Oakland, 22 rue d'Église, à Saint-Isidore de Clifton. Pour information, contactez Chantal Lemire. Le 6 décembre, à 13h30, au Centre culturel de Whedon, un spectacle gratuit de Fifi de clown sera offert. Dès 10h, le 6 décembre, le village de Sainte-Marguerite de Lingwick se transforme en village de Noël. Pour plus de détails, voir cantondelingwick.com. Le souper de Noël de la Fadeuil de Sawyerville aura lieu le 6 décembre à 17h à la salle communautaire. Ce sera suivi d'une soirée dansante. Pour information, Sylvie Gaudreau ou Rémi Lacassé.